Antonio se mala de mamá. Que bongo. Antonio, son la gripe, mamá. Le blanc, le jaune, le rouge ont la même couleur de sang.